souviens-tu de tout Broadway quand il pleuvait? Te souviens-tu sur Malcolm X sous un chapeau? Te souviens-tu au bord de l'eau? Moi je m'en souviens comme si c'était, comme si jamais. Moi je m'en souviens comme si plus rien. Te souviens-tu au bord de l'eau? Te souviens-tu, il faisait beau sous les palmiers, il est si tard. Moi je m'en souviens comme si c'était, comme si jamais. Te souviens-tu des temps anciens? Te souviens-tu de plus jamais? Te souviens-tu, il est si tard? Te souviens-tu, on est si loin? Moi je m'en souviens comme si c'était, comme si jamais. Moi je m'en souviens comme si plus rien. Te souviens-tu de tout Broadway quand il pleuvait? Te souviens-tu sur Malcolm X sous un chapeau? Te souviens-tu au bord de l'eau? Moi je m'en souviens comme si c'était, comme si jamais. Moi je m'en souviens comme si plus rien. Rappelle-toi ces bons moments, rappelle-moi juste un instant. Comme si c'était, comme si jamais.